Attention, s'il vous plaît. Légionnaire, attention, s'il vous plaît. Monsieur l'escargot s'endort. Monsieur l'escargot s'endort. Quand il fait très beau dehors. Quand il fait très beau dehors. Monsieur l'escargot s'endort. Quand il fait très beau dehors. Quand il fait très beau dehors. Mais quand un nuage passe. Mais quand un nuage passe. Un nuage qui fait au puits. Un nuage qui fait.